Point, un texte de Pauline Peyrade, un texte que nous avons lu aussi au comité de lecture de Point commun. Ne lâche pas la route, méfie-toi des bandes blanches, la pluie est tombée cet après-midi. Le bras, gauche-droite, les jambes, droite-gauche. Tiens ta ligne, plie les genoux, détends les chevilles. Le bras droit accompagne la jambe gauche. Laisse passer les voitures, ne fais pas attention au bruit des moteurs, on te voit. La route est avec toi, les gens sont avec toi. Ne pas heurter le bord du trottoir. Éviter les carrosseries, contrôle tes mouvements. Contrôle ta vitesse, concentre-toi. Les roues sous tes pieds, le sol sous les roues, gauche, droite. Trouve ton rythme, ne va pas trop vite, il fait nuit. Des voitures, des piétons qui ne regardent pas en traversant, tu ne portes pas de casque, gauche, droite, ça vient. Tes muscles sont plus fermes, tes yeux se promènent, ils savent mieux que toi où regarder. Le parc, l'église derrière les arbres, des fenêtres, des centaines de fenêtres. Fenêtres, fenêtres, fenêtres, branches d'arbres, terrasses éclairées, un kirpèche fait de la musique après le bac. C'était en quelle année? Feu à l'orange, accélère, douleur à la rotule droite, chute à ski, déchirement des ligaments croisés. Lève le pied. Poids du corps à gauche, ne tombe pas, continue d'avancer. Café des Martyrs, kiosque à journaux, pizzeria Vesuvio, notre table près de la vitre à l'entrée. Ne tremble pas, regarde devant, 5 secondes devant toi. Pense à autre chose, si tu n'y penses pas, il n'existe pas. Croisement, un nom de rue écrit en tout petit, illisible. République, opéra, du monde partout, ne te laisse pas étourdir. Tu ne feras pas demi-tour, concentre-toi, choisis ton itinéraire. Boulevard Sébastopol, plus rapide, mais plus dangereux. La rue Saint-Denis, plus sûre, mais tu risques de te perdre. Tu te perds tout le temps, aucun sens de l'orientation. Feu vert, décide-toi ! Châtelet, Opéra, République. Les klaxons s'excitent, un camion de livraison, ce n'est pas toi. Garde ton calme, essaie de te souvenir. Est-ce que tu es déjà passé par là ? Tu es forcément passé par là, fais un effort. Tu vas bien finir par reconnaître quelque chose. Virage à droite, le couloir du bus, quelque chose derrière toi t'empêche d'avancer. Un poids immense, un aimant qui te tire vers l'arrière. Accélère, ton ombre rétrécit. Une forte lumière blanche éblouit le coin de tes yeux. Le bruit du moteur s'intensifie. Rabats-toi lentement, ne va pas trop vite. Tu veux aller trop vite, klaxonne. Les phares se rapprochent. Ralentis, n'aie pas peur, ne panique pas. Tu paniques, ne panique pas. Évite le choc. Il va ralentir, klaxonne, tu sursautes, ne sursaute pas. Serre à droite, attention au bord du trottoir. Pas de mouvement brusque, ne trébuche pas. Ne t'arrête pas d'un seul coup, klaxonne. Colle les bras le long du corps, serre tes jambes, serre les épaules. Fais-toi petite, toute petite, le plus petit possible. Pas les mains sur les yeux, regarde devant toi. Le bus te dépasse. Quelques regards te frôlent, d'autres se détournent. Rien à voir, pas de drame. Tu es intact. Reprends ta respiration tranquille, doucement. Tu veux aller trop vite, sois douce. Saut par-dessus le caniveau, tu rejoins les passants sur le trottoir. Certains marchent, d'autres attendent, d'autres se poussent ou se tiennent par la main. Tenir la main de quelqu'un et la lâcher. C'est possible ça? Repars, doucement, zigzag, gauche, droite. Un attroupement devant l'UGC. Bonne nouvelle, fais le tour, parapluie, blouson de cuir, les corps autour de toi, imprévisible, sois prudente. Ne touchez personne, que personne ne te touche, tu tomberais, tu ferais mal à quelqu'un. Rotule droite, la fatigue, rien de grave, poids du corps à gauche. Esquive les vendeurs de roses, des bars, des restaurants, des rires, beaucoup de rires, vous n'avez jamais ri comme ça. Prends ton temps, promène-toi, tu es loin, tu es en sécurité, il ne pourra pas te trouver ici. La foule est avec toi, les rues sont avec toi, tout le monde est de ton côté. Virage à gauche, direction quai de Seine, la Seine, tu te sentiras mieux de l'autre côté, chez toi, là où tu as l'habitude de vivre, tes habitudes. Elles ne sont pas perdues, elles t'attendent, de l'autre côté de la Seine, chez toi, de l'autre côté de la Seine. Il n'existe pas.